Non, il y a Crotendieck, enfin, entre Jean Pignereau et Crotendieck et lui, en l'espace de ces trois interviews, on balaye, 60% des problèmes du nucléaire, 70%. Donc, cette bande a été très utilisée par des marginaux, enfin, des mouvements, des associations bien au fait des problèmes, etc. Elle n'a pas connu une... Elle n'a pas été utilisée pour une mobilisation, enfin, d'après ce qu'on en sait, parce que c'est un langage un peu compliqué. Crotendieck explique d'une façon très technique, Pignereau ici, etc. Alors, contrairement, Yvonne va vous expliquer ça, à Flamanville ou Erdeven, où l'on voit là des gens touchés par le nucléaire, paysans, etc., syndicats, qui, vont expliquer leur point de vue. Et cette bande, Erdeven-Flamanville, elle a été très utilisée dans des tas d'endroits en France. Tu peux préciser ? Alors, progressivement, on prend l'habitude de créer un comité de lutte antinucléaire, de créer une association 1901, de distribuer des tracts dans la ville, dans tout le canton, contact avec la presse alternative, Charlie Hebdo, Libé, organisation de presse de prise de parole du comité antinucléaire, organisation de pique-niques géants, de fest-noz, de concerts. C'est la forme que ça a pris un peu partout. Et le point des référendums ont été organisés, mais pas tout de suite. Au début, il suffisait de simple avis du conseil municipal pour que la centrale soit autorisée. Et c'est là que la mobilisation a joué. Les gens ont dit non, il faut un référendum. Et alors, le référendum a été un peu aussi dévié dans la mesure où on faisait le référendum autour de la localité concernée strictement, mais pas du canton. Alors, dans beaucoup de cas, le canton était complètement concerné, bien entendu. Donc, est-ce qu'on peut avoir des vues de Flamanville? Non. J'en ai pas dans le PowerPoint. Ah bon? Non, pas non. Ah bon. Ou un extrait. Ah, un extrait, oui. Ah, pardon, oui. L'extrait tout de suite. Je croyais des vues fixes. Alors, Flamanville, c'est... Déjà animé, c'est prêt. Ça a été l'échec. Hein. Et on verra, Erdeven, ça a été le succès. Et ça a fait basculer, ça a été l'un des points historiques. Ça de bascule du mouvement. Voilà, c'était possible de résister. Voilà, hein, et à partir de là, ça a créé un enthousiasme. Voilà, alors, Erdeven-Flamanville, c'est combien de temps de tournage, combien de temps sur le terrain, en fait? Pas beaucoup. Il y a deux femmes qui ont fait ça. Oui. C'est la question fleur. Et un aller-retour. La question fleur. Un aller-retour, c'est tout. Sur la journée? Oui. À chaque fois? Non, sur plusieurs jours. Non, sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours. Mais parce que, en fait, Flamanville, voilà, ça a été filmé, et puis ensuite, il y a eu la fête à Erdeven. Les deux ont été, voilà. Alors, ça en même temps. Ça se passait en 73, vous voyez, c'était toujours du matériel ancienne norme. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités de montage. Hein. Alors, ça donnait une forme de film plutôt reportage, mais contrairement à ce qu'on a fait après, où là c'était très monté, quoi. Hein. Enfin, on travaillait longtemps sur un sujet. Alors, Flamanville, mais vous verrez, les gens s'expriment d'une façon remarquable, quoi. On pourra revenir là-dessus. Oui, je lance. Ah, l'extrait est assez long, il dure 6 minutes 50, donc je les signale. Hein, c'est un des extraits les plus longs qu'on a sélectionnés.